Salon Noir. D'or du prince de Lavaux inhumé dans son sphère, ni la datation de Littlefoot, petit australopithèque sud-africain, encore moins quelques dents vieilles de 400 000 ans dans la grotte de Kessem en Israël, ou l'énigme de l'homme de Kennewick dans l'état de Washington, n'ont fait réellement l'actualité archéologique. De fait, dans cette course à l'audience, celle-ci s'avère aujourd'hui monopolisée par la communication d'un unique trust répondant au nom de Daesh, l'État islamique. Passé archéologique et iconoclasme contemporain, Palmyre et les autres, tel sera le thème de ce Salon Noir. Pour comprendre ce qu'est cette entité, découvrir les fondements de ses destructions, entrevoir l'avenir, François Burga, Pascal Buterlin, François Villeneuve, bonjour. Bonjour. Professeur d'archéologie orientale à l'Université de Paris 1, Pascal Buterlin, vous êtes, ou plutôt étiez, le fouilleur de la cité mésopotamienne de Mari au cœur du désert syrien. François Villeneuve, professeur d'archéologie romaine de cette même université, la Jordanie, la Syrie ont été vos terrains. Désormais, vous voici en Arabie Saoudite, à Egra exactement, la fameuse cité maudite. Nous en reparlerons. Politologue, directeur de recherche au CNRS et à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, François Burga, vous avez été directeur du Centre français d'archéologie et de sciences sociales au Yémen, le CEFAS, désormais basé à Djeddah, puis directeur de l'Institut français du Proche-Orient, l'IFPO. Aujourd'hui, vous êtes en ligne d'Aix-en-Provence. La lecture de Haïm Habchouch ou de Bertram Thomas m'ont fait entrevoir que la société de la péninsule arabique avait mis en place une chronologie binaire, basée sur un avant et un après. Ainsi, le temps de l'ignorance était l'immense période qui précède la révélation de l'islam au prophète Mahomet. Période dont les vestiges sont dénommés aujourd'hui les tombes des impies, mais aussi maison du temps de l'ignorance. En est-il de même pour l'ensemble du monde arabe, voire musulman, François Villeneuve ? La jahiliya est un concept simple, c'est un concept d'histoire religieuse. Avant l'islam, avant la révélation de l'islam, on ignore l'islam, bien évidemment, et il n'y a rien à cela de très étonnant. Alors, par extension, les savants saoudiens, notamment, en ont fait une période, mais une période assez bien déterminée, les savants historiens et archéologues. C'est la période qui précède immédiatement l'islam, sur quelques siècles. Elle correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui, ailleurs, l'antiquité tardive, du 4e au 7e siècle. Le pré-islamique récent, c'est voilà, ça ? Pré-islamique récent, si vous voulez. Mais avant ce pré-islamique récent, il y a un pré-islamique moins récent qui correspond en terminologie de la péninsule arabique, chez les Saoudiens, à la période dite des royaumes arabes. Ailleurs, dans le monde arabe, on n'utilise pas d'une façon tellement fréquente ce concept de jahiliya. Si on prend l'exemple des autres pays du Moyen-Orient, la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Égypte, on pourra parler de façon globale de pré-islamique, un terme qui est incontestable et neutre, mais en général, les services des antiquités et les universitaires du Moyen-Orient se réfèrent à des périodisations scientifiques et classiques. François Burga, ce temps de l'ignorance, ça évoque quelque chose pour vous ? Écoutez, je crains de devoir aggraver les remarques nuancées de François Villeneuve en disant que le temps de l'ignorance, c'est une notion qui a fait des ravages, non seulement dans le monde qui suit la tradition musulmane, mais c'est quelque chose que nous n'avons pas complètement ignoré, nous autres chrétiens, puisque cette pratique très raccourcie qui consiste à se débarrasser de ce qui n'est pas considéré comme légitime sur le plan scientifique dans la tradition de l'autre, nos missionnaires chrétiens l'ont appliqué avec une grande conscience. Nous avons détruit les idoles de l'autre, mais nous avons aussi détruit les fondements du savoir de l'autre chaque fois qu'il était considéré comme n'étant pas suffisamment éclairé par les lumières de notre dogme. Nous avons, par exemple, au XVIe siècle, détruit toute la mémoire écrite des maronites du Mont Liban sur la base de, je dirais pas une fatwa, mais d'une décision prise à Rome. Donc malheureusement, oui, les lectures littéralistes des dogmes religieux ont jusqu'à nos jours, malheureusement, cautionné des prises de distance aussi tragiques que celles qu'on voit s'exprimer maintenant à l'égard du patrimoine archéologique de la, du Moyen-Orient. Oui, mais François Burga, l'iconoclasme a été de tout temps et de tout parti. Oui, absolument. C'est ce qu'il est important de rappeler. Et quand on rappelle cela, on ne minimise pas, je vais employer un mot très fort, l'imbécilité du comportement des djihadistes lorsqu'ils détruisent les expressions artistiques ou religieuses de la culture de l'autre ou de la version de leur propre culture ou de leur propre religion qu'ils n'adhèrent pas. On démine ce terrain qui peut conduire certains d'entre nous à essentialiser ce genre de comportement et à croire qu'il est inhérent seulement à la religion de l'autre. Il y a un petit déficit simplement temporel, historique, entre les pratiques que nous voyons et que nous condamnons légitimement et celles que nous avons nous-mêmes, depuis l'intérieur de notre culture ou de notre religion, assumées à des époques pas si éloignées que cela. François Burga, il y a exactement un an, le 29 juin, Abou Bakr al-Baghdadi proclame le califat islamique. Qu'est-ce que Daesh ? Daesh, c'est le produit de... c'est difficile à expliquer parce que c'est le produit de plusieurs dynamiques. La première, celle qui nous devrait nous intéresser au premier chef, c'est l'échec absolu de la reconstruction de l'Irak après l'intervention américaine. C'est ce processus-là qui va initier... qui va creuser ce long tunnel au terme duquel vont sortir des individus partisans de la rupture totale et de la violence absolue. Cet effondrement des institutions irakiennes va se corréler à peu près à la date que vous avez mentionnée avec l'effondrement comparé des institutions syriennes à la suite de toute une série de raisons qu'il faudrait prendre le temps de mentionner, ne serait-ce que pour dire que nous y sommes impliqués. Si le régime syrien est parvenu à fabriquer des individus aussi radicaux que son homologue irakien, c'est que quelque part nous l'avons laissé faire. Mais ça, c'est le premier pilier de la fabrication de Daesh, l'effondrement de deux systèmes politiques, des institutions susceptibles d'assurer la représentation harmonieuse des citoyens, quelle que soit leur appartenance confessionnelle, en l'occurrence sunnite ou chiite, et puis cette dimension nouvelle du phénomène auquel nous sommes confrontés, c'est qu'en écho, les laissés pour compte des systèmes politiques de 75 pays de la nation, les appréhender comme tels, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais ça explique simplement le processus qui les a fait entrer en résonance, cette espèce d'utopie d'un sunnistan libéré de toutes les entraves à la fois occidentales et chiites va attirer des laissés pour compte, ça va des Ouïghours jusqu'aux Belges ou aux Tunisiens ou aux Français, qui vont venir s'agréger à ce processus, lui donner une visibilité qui va être affectée de cette dimension locale. Nous sommes Français soudainement, brutalement impliqués dans un camp de ce conflit au Proche-Orient. Et c'est ça, ce monstre-là est un monstre que nous sommes très nombreux à avoir contribué à fabriquer. En tout cas, ce djihad est né probablement de l'ostracisme et de la marginalisation de la composante sunnite, il faut le dire. Alors c'est très très clair dans les deux cas irakiens. En Irak, une minorité sunnite qui avait été en situation d'hégémonie et malmenée par l'intervention américaine d'abord, l'hégémonie institutionnelle des chiites ensuite, à qui les Américains ont un petit peu confié le pouvoir. Et c'est ce qui explique que dans cette guerre irakienne, la tension sectaire va prendre une part essentielle. En Syrie, c'est la même chose. C'est une minorité proche des chiites, perçu comme chiite, qui va s'opposer aux aspirations d'ouverture politique exprimées par une large majorité de la population qui est sunnite. Donc on a donc bien au cœur du dispositif qui fabrique Daesh cette même ostracisation d'une composante de la population sur la base de son appartenance sectaire. Reste un problème. L'objectif était bien sûr de créer un sunnistan libéré de l'Occident, mais aussi du chiisme et de toutes les autres composantes religieuses. Pour cela, il fallait à tout prix s'ancrer territorialement, et c'est désormais fait, de Bagdad aux marches de la Turquie. Oui, alors vraiment, la nouveauté par rapport à Al-Qaïda notamment, la nouveauté, c'est la dimension sectaire. Le contexte dans lequel s'est créé Al-Qaïda, c'était le contexte afghan de lutte contre l'intervention américaine. Ça n'était pas un contexte comparable au contexte irakien, où là, pour schématiser, on va dire que les sunnites irakiens qui étaient au pouvoir, fussent au pouvoir par le biais d'un dictateur peu légitime, mais qui était l'aristocratie politique du pays, ont vu les Américains les combattre et les chiites, en quelque sorte, à quelques exceptions près, regarder faire et pour certains approuver. Donc la dimension sectaire de la montée en puissance de Daesh est essentielle, et c'est effectivement l'idée non pas de combattre n'importe où dans le monde, mais d'assurer des acquis territoriaux et progressivement de constituer un terroir, un territoire, et c'est fait, bien sûr, hein, c'est fait, un territoire qui est très important maintenant, où à la fois les Occidentaux n'ont plus prise. L'émergence de Daesh, si on veut prendre une comparaison très simple, moi je dis parfois, c'est l'équivalent de la révolution khoméniste chiite en 1979. C'est un acteur étatique qui a réussi à s'abstraire de toute contrôle direct ou indirect par État arabe allié de l'Occident dans la région. Et donc, la grande nouveauté, c'est que nous ne sommes pas en face de groupes qui frappent aux quatre coins du monde sans avoir d'assises territoriales. Nous sommes bien en présence de l'émergence d'un acteur étatique au plein sens du terme. Pourquoi tant de communication de la part de l'État islamique ? Vous avez une idée, François Burga, par exemple ? Vous dites d'ailleurs que c'est la communication du faible. Oui, mais je pense pas qu'il y ait un gisement de savoir dans ce domaine-là. Les sociétés ont toujours utilisé les ressources disponibles pour mobiliser. Al-Qaïda avait, au cours des dernières années, un magazine Inspire qui était très professionnel dans la communication. Eh bien, on va dire que simplement, cette protestation-là est inscrite dans le siècle, elle en utilise tous les moyens, et donc, avec une certaine efficacité, avec un certain professionnalisme, toutes les techniques de l'usage de la vidéo et des médias nouveaux, notamment et surtout peut-être YouTube. Pascal Buterlin, la communication, vous la suivez donc de ces destructions ou... Et pourquoi cette communication si forte ? On a surtout suivi la genèse d'une instrumentalisation massive du patrimoine et une façon qu'effectivement certains groupes ont eu de s'emparer de cela pour faire le buzz sur Internet après avoir épuisé d'autres ressources comme les exécutions que les médias ne relayaient plus. Il était plus facile de montrer des statues qu'on détruisait que des décapitations ou d'autres gestes odieux. Et donc ça a été exploité massivement parce que la presse a relayé brutalement et sans aucun commentaire des images qui ont été prises brutes de pomme, je dirais quasiment, et relayées sans aucune réflexion, je dirais. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, de fait, ces destructions de Mossoul en Irak ou à Palmyre sont liées à des victoires et à une avancée de Daesh face au pouvoir officiel et à l'Occident. Ah bah c'est très clairement... Parce qu'ils ont des vraies victoires. Ah bah ce sont sur le terrain, c'est clairement effectivement comme on vient de dire la constitution d'un ensemble territorial. Je dirais pour compléter simplement ce qui vient d'être dit, c'est que l'ensemble territorial qui s'est constitué, c'est quand même aussi un ensemble qui est entre deux, c'est entre Bagdad et Damas fondamentalement, c'est en grande partie au moins côté syrien, mais je crois que c'était aussi le cas dans les provinces d'Al-Anbar ou ailleurs. C'était quand même des zones qui étaient particulièrement des angles morts du développement aussi, je dirais de ces régions-là. Parler d'un territoire, c'est peut-être un peu excessif quand on pense à c'est plutôt un ensemble réticulaire, un ensemble de réseaux le long des grandes vallées, le long des grands axes de circulation. Ils contrôlent surtout un espace qui est un grand espace désertique ou semi-désertique. Alors en tout cas, j'ai le sentiment que l'Irak et la Syrie ont vécu des heures terribles et vivent toujours des heures terribles avec leur cortège d'exécution. Mais parallèlement, depuis février, un nouveau tournant semble s'opérer, la destruction de vestiges archéologiques. La destruction des vestiges archéologiques, déjà pour la chronologie des événements, on a des doutes sur le moment auquel ont lieu les destructions. Par exemple, au musée de Mossoul, on a des images, elles ne sont pas datées précisément. Donc, quand ils se servent de ces images. À Atra, on sait que les destructions ont eu lieu très tôt, mais elles n'ont pas été médiatisées de la même manière. Donc, il y a là des décalages entre la politique de communication et les exigences de. Quand ils ont commencé à diffuser les images de Mossoul, c'était un moment où précisément ils étaient en difficulté militaire. Et ils étaient sous une pression très forte à cause des bombardements de la coalition et à Kobané notamment. Qu'est-ce qui a été détruit à Mossoul exactement? Mossoul, bien sûr, dans le nord de l'Irak. Ah ben, Mossoul, c'est le musée, le grand musée de Mossoul qui a été ciblé, et en particulier donc des collections notamment de statues, principalement venant d'ailleurs du site de Hatra, mais aussi bien entendu des statues néo-assyriennes. Et on a tous en mémoire évidemment la destruction des fameux taureaux androcéphales dont nous avons les cousins au musée du Louvre. Pourquoi le patrimoine archéologique est-il méthodiquement détruit par les djihadistes? Vous avez une idée, par exemple, François Villeneuve? Alors, je pense qu'il est méthodiquement détruit par des djihadistes à des fins de communication, comme l'a excellemment dit Pascal Buterlin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonder une propagande uniquement sur des décapitations, des exécutions de masse, et des exactions et des viols. Il faut, pour plaire peut-être, enfin déjà pour être présent sur les écrans, pour être présent sur les sites internet, il faut faire autre chose. Donc voilà une autre activité spectaculaire. Mais le patrimoine est méthodiquement détruit parce que ces gens sont également des bandits qui vendent des patentes à des organismes mafieux de pur banditisme, des archéologues entre guillemets, enfin des pillards qui font de la fouille à la recherche de butin pour le vendre sur place à l'étranger par toutes les filières. Et c'est ça l'activité la plus importante de Daesh dans ce et d'autres groupes évidemment dans ce domaine-là. Donc la destruction permet au passage d'affirmer qu'on détruit tout Ninive ou tout Hatra ou tout Palmyre, ce qu'on n'est évidemment pas en mesure de faire, parce que nous, archéologues ou historiens, nous savons aussi que les grandes destructions anciennes du Moyen-Âge ou de l'Antiquité n'ont jamais été des destructions totales, sinon nous n'aurions plus rien à fouiller. C'est toujours des destructions partielles, voire très partielles. Il en va de même des destructions que peut opérer Daesh, malgré tous les moyens dont on dispose aujourd'hui en termes d'explosifs, de bulldozers, etc. Mais les destructions visent aussi à mobiliser des objets, à mobiliser des bas-reliefs, à mobiliser des chapiteaux, par exemple, ou des découvertes fortuites qu'on va pouvoir revendre. Quand il ne s'agit pas d'un dépeçage véritable, comme on en voit à l'œuvre dans Palmyre, admirablement démontré par les différents rapports qui viennent de la Direction Générale des Antiquités Syriennes ou qui viennent de groupes d'opposition, mais soucieux du patrimoine, où l'on voit des sarcophages qui sont sciés, c'est-à-dire qu'on ne s'encombre pas de l'ensemble d'un sarcophage, ce n'est que de la pierre, ça ne vaut pas grand-chose. On va couper à la scie à pierre, on va couper les médaillons de bas-relief qu'on pourra revendre très cher et qui portent des bustes palmyréniens. Voilà, donc l'activité de destruction, elle est fondamentalement celle-là, elle, c'est une activité marchande, mafieuse. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. François Burga, le Coran évoque-t-il quelque chose qui pourrait légitimer ses actes? Oui, permettez-moi de revenir une seconde sur les pratiques de la communication en utilisant un mot qui est très galvaudé, que généralement je n'accepte pas tellement il opacifie la réalité, c'est le mot terrorisme. La nouveauté de la stratégie de Daesh, c'est vraiment la stratégie terroriste au sens littéral du mot, au sens où ce mot est très fréquemment mal employé. La capacité de destruction, que ce soit des hommes ou du patrimoine syrien de Daesh par rapport au régime, est de 1, 2, 3 à 100. Mais Daesh tue très lentement devant des caméras de télévision, alors que le régime, pour les deux seules premières années du conflit, a fait mourir sous la torture 11 000 personnes. Leurs corps ont été minutieusement recensés dans le rapport César, mais il ne s'en vante pas, mais il ne dit pas cela à la télévision tous les matins. Alors que Daesh peut tuer une poignée de journalistes occidentaux, mais il met en scène ses forfaits. Il met en scène ses destructions, il met en scène ses assassinats dans une logique qui est une logique de terrorisme. Alors, bon, les références religieuses dans tout ça, eh bien oui, il y a une différence entre le sunnisme, parce que c'est très différent chez les chiites, et par exemple la religion chrétienne. il y a une interdiction de représenter la divinité, qui s'est développée, qui s'est extrapolée en une réticence à représenter le prophète, qui n'a pas toujours été de mise. Jusqu'au XVIe siècle, le prophète est représenté sous une forme humaine. Et puis, il y a deux autres spécificités qui sont beaucoup plus constitutives des musulmans sunnites. C'est l'interdiction de sacraliser des intermédiaires entre Dieu et les croyants, notamment des saints, notamment des imams chiites. Alors, les soufis d'une part, les chiites d'autre part, sont visés dans leur pratique. Vous savez que les chiites ont à la fois une représentation très banalisée du prophète Ali sans aucun problème, et ils ont des saints, et donc ils ont des tombeaux de saints. Alors ça, c'est une cible de la pratique sunnite. Mais le Coran, lui, a seulement interdit l'idolâtrie. Cette interdiction d'une représentation de Dieu et puis après d'une représentation anthropomorphe a été fondée non pas par le Coran mais par la tradition. Il y a un hadith qui dit par exemple les anges ne pénétreront jamais dans une maison où il y a une image. Et je sais que au Yémen, où j'ai essayé de documenter les débuts de la photographie, il est évident que la photographie était considérée comme totalement interdite. Les publicités pour les savonnettes étaient en tant que telles considérées comme totalement contraires à la religion. Mais bon, on est là dans la lecture extrêmement restrictive d'une partie de la tradition religieuse, et il va de soi qu'une écrasante majorité des musulmans ont tourné cette page. François Villeneuve. L'iconoclasme, en contrepoint à ce que vient de dire fort bien François Burgat, l'iconoclasme est une tendance récurrente, fréquente au Moyen-Orient, avant même l'islam d'ailleurs. Alors sur le plan coranique, elle s'appuie, on peut le dire en complément, elle s'appuie sur quelque chose d'extrêmement fort qui est le refus de l'associationnisme. L'associationnisme est ce qu'il y a de plus grave, ça consiste à associer des dieux au dieu unique, c'est le shirk, c'est vraiment l'hérésie la plus épouvantable. Ou l'ensemble des hérésies la plus épouvantable. Si vous faites des images, ce sont des images plus ou moins de dieux ou de créatures qui sont assimilables à des dieux. Donc il convient de les détruire. Il y a cela. Alors quant aux injonctions de destruction qui pourraient figurer dans le Coran, en fait il y a un seul élément, c'est que il y a destruction des idoles. Vous voyez, les idoles de la Mecque sont détruites dans certaines sourates du Coran parce que ce sont des faux dieux, ce sont des idoles impuissantes. Et donc, on peut et on doit les détruire à titre d'exemple. C'est démonstratif, c'est pédagogique, en quelque sorte. Il n'y a pas de référence par ailleurs. Il n'y a rien dans le Coran qui vienne dire vous pouvez aller détruire des œuvres d'art de la Jahiliya ou des Syriens. Enfin, ça, c'est complètement absent. Mais je pense qu'il faut voir ces interdits d'une façon positive. Pascal Buterlin, on a beaucoup parlé de Palmyre, mais pourquoi si peu de Marie, ce site tout à fait exceptionnel, ce site mésopotamien fouillé depuis des années par des Français et désormais par vous ? Eh bien oui, on a alerté les médias au moment où on a obtenu les premières photos satellites après plusieurs années d'attente montrant l'état du site, hein, dès le mois de novembre dernier. En fait, on a obtenu des images qui montraient très clairement qu'en 2014 en particulier, le nombre de fosses qui avaient été creusées sur le site avait été multiplié quasiment par 10 en l'espace de 8 mois. Donc pendant la période où justement toute la situation s'est considérablement aggravée dans la région. Il y a une hiérarchie, disons, dans l'image et dans la façon de médiatiser les choses qui est très nette. On a très peu parlé aussi de Dora Europos, qui est le site voisin de Marie, site fameux évidemment de la période hellénistique et parthe par la suite, qui a lui aussi subi des dommages irrémédiables comme Marie, avec plusieurs milliers de fosses également qui ont été creusées pendant la même période. On sait exactement ce qui a été perdu. Il y a eu des objets qui ont été saisis aux frontières, notamment en Turquie ou au Liban, qui proviennent de ces différents sites, y compris d'ailleurs de Palmyre également, depuis le début du conflit, hein, car les dégâts n'ont pas commencé avec Daesh. Ils ont commencé dès que le conflit et dès que la situation s'est dégradée en Syrie. Et on a une petite idée, disons, de ce qui est potentiellement à découvrir, je dirais. Pour l'instant, malheureusement, la plupart des objets passent complètement underground, je dirais, disparaissent complètement, effectivement, dans un marché souterrain qui nous échappe. François Villeneuve, le statut de site détruit me paraît assez variable. Palmyre, l'antique, bien sûr, forcément, très belle cité, représentant quasi Rome, a été surmédiatisée. Alep, la médiévale, Sessouk, sa forteresse, absolument passée sous silence. Les plus grandes pertes sont bien entendu les pertes de sites patrimoniaux encore vivants. Le cas d'Alep que vous venez de citer est certainement à cet égard le plus grave. C'était une ville en pleine activité dans un cadre ancien, dans un cadre moderne, médiéval antérieurement, antique antérieurement, avec une stratification admirable et toujours vivante dans un cadre vraiment, vraiment enchanteur. Et donc ces pertes-là, qui sont des pertes de lieux de civilisation, des pertes de lieux de vie pour les gens qui habitent encore Alep, ce sont les plus abominables. Si on pense à Alep détruite, c'est comme Paris détruite, ni plus ni moins, ou comme Rome détruite. Donc c'est là les pertes les plus dommageables. En ce qui concerne Palmyre, ce qui est grave, c'est la perte du site les dégâts pour l'instant, qui sont importants mais qui ne sont pas effroyablement catastrophiques au site archéologique majeur de la Syrie. Bon, c'est une perte économique potentielle au sens où si ces destructions s'aggravent, c'est une perte touristique à terme et donc c'est une perte de revenus. Et ça, c'est un paramètre. Mais la perte patrimoniale est considérable dans la mesure où c'est un lieu de civilisation. Parce que c'est un lieu de contact, c'est à la fois une oasis au milieu du désert, c'est le contact entre la Méditerranée et la Mésopotamie, et il se trouve que c'est un lieu d'une beauté absolument remarquable. Et enfin, c'est une perte symbolique, et c'est probablement en cela qu'elle intéresse à la fois l'État syrien et les adversaires de l'État syrien, parce que Palmyre a un rôle en tant justement que lieu central entre l'Euphrate, dans le désert, et à mi-chemin de la côte et de Damas, a un rôle important comme ciment de la Syrie moderne, avec ses frontières dont on peut penser ce qu'on pense, mais qui jusqu'à présent existaient. Pascal Buterlin, on dit de Palmyre, qu'elle aurait été minée. Un récent rapport lié à l'opposition syrienne vient de paraître. Qu'évoque-t-il ? Destruction et pillage semblent bien plus anciens que l'arrivée de Daesh ? De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, les destructions ont commencé à partir du moment où Palmyre a été la cible, effectivement, est devenu un enjeu des combats entre l'opposition et le régime. Les différents rapports qui ont paru récemment ont effectivement insisté sur le fait que Palmyre est devenu un champ de bataille, tout simplement, hein, pendant trois ans ou quatre ans, et il fait la recension de dégâts qui sont pas irrémédiables, effectivement, mais qui sont substantiels et tout à fait réels, et qui posent déjà en soi, évidemment, des gros problèmes le jour où on pourra retourner travailler sur ces sites. C'est vrai aussi à Marie, où il y a des dégâts considérables, ne serait-ce que soit à la suite tout simplement d'intempéries, mais aussi d'autres éléments. Les pillages, c'est une chose, mais il y a aussi le manque d'entretien tout bêtement de tous ces sites. François Villeneuve, en quelques mots, l'iconoclasme, vous le connaissez au travers de votre fouille sur ce site jordanien de Kerbet ed-Darir, objet d'un saccage humain, mais aussi d'un tremblement de terre ? Oui, l'iconoclasme ancien est rencontré dans les fouilles archéologiques. En effet, le site archéologique auquel vous faites référence, proche de Petra en Jordanie, est un site de sanctuaire païen qui a connu un iconoclasme qui est probablement de haute époque musulmane. Mais c'est effectivement des débats qui ont parcouru ces sociétés de l'Antiquité tardive du côté des chrétiens et du côté des musulmans au 8e siècle après Jésus-Christ et qui ont abouti à des saccages assez considérables à cette époque-là en termes de représentation d'êtres animés sur des mosaïques ou sous forme de bas-reliefs sur des murs. Eh bien, merci beaucoup. Et puis peut-être, disons-le, les archives sont capitales, bien sûr, pour les archéologues. Il faut donc les conserver et y travailler. La semaine prochaine, le Salon Noir se changera et nous serons nous laisserons l'antenne au programme d'été. Merci à toute l'équipe du Salon Noir, à la réalisation Vanessa Nadjar, Emmanuel Vorsdinkan, attaché d'émission Catherine Donné. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr. Vous retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.